tu le sais, j'ai dans ton sang. Mais tu consens quand tu le sais, tu le sens. Mais tu te rends contente. Quand même.